Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous arrivons aujourd'hui à la leçon 5. Notre phrase clé aujourd'hui est... それは私の宝物です。 Ce sont mes trésors. Anna, une étudiante internationale originaire de la Thaïlande, est le personnage principal de notre sketch. Aujourd'hui, Anna a invité sa tutrice, Sakura, dans sa chambre de dortoir. De quoi vont-elles parler ? Écoutons maintenant le sketch de la leçon 5. La phrase clé est... それは私の宝物です。 Ce sont mes trésors. どうぞ。 すごい。これは全部漫画？ それは私の宝物です。私は毎日漫画を読みます。 Je vais vous en dire un peu plus à propos de ce sketch. Anna a dit à Sakura: 私の部屋はこちらです。 Ma chambre est ici. 私 signifie je, moi. Non. est une particule liant les substantifs. Dans ce cas, elle montre une chose appartenant à quelqu'un. Heya signifie chambre. Donc, watashi no heya signifie ma chambre. Wa est la particule indiquant le sujet ou le marqueur du sujet. Ainsi, le sujet de la phrase est watashi no heya, ma chambre. C'est bien ça? Oui. Et kochira, cette direction indique la direction par rapport à celui qui parle. On ajoute des à la fin de la phrase quand elle se termine par un substantif. On forme ainsi une proposition. Nous avons également appris le mot kochira dans la leçon 3. C'est juste. Exerçons-nous maintenant à dire ma chambre est ici. 私の部屋はこちらです。 Alors, どうぞ。 Je vous en prie. On dit どうぞ quand on offre quelque chose à quelqu'un, n'est-ce pas ? Oui, on l'utilise aussi lorsque l'on invite quelqu'un à entrer dans une pièce, comme dans ce cas-ci. Lorsque Sakura entre dans la chambre d'Anna, elle trouve quelque chose. Sugoi. Cet adjectif signifie formidable. On dit cela quand on est impressionné. On entend souvent des jeunes filles crier Sugoi. Kore wa zenbu manga? Tout ça, ce sont des mangas? Pas étonnant de sa part, Anna aime beaucoup les mangas japonais. Kore signifie ceci. Ici, kore se rapporte aux nombreux livres manga. Comme dans ce cas-ci, la langue japonaise ne fait habituellement pas la distinction entre le singulier et le pluriel. Wa est le marqueur du sujet. Zenbu signifie tous et manga signifie manga, bande dessinée. Manga est maintenant passé dans la langue universelle, n'est-ce pas? C'est un fait. Cette phrase, kore wa zenbu manga, est une question. Ici, la forme polie et habituelle pour terminer une question deska n'est pas ajoutée. Il faut donc faire attention en disant cela. Faire attention à quoi? Puisque vous avez omis deska, qui indique une question, vous devez vous assurer de hausser votre intonation. Kore wa zenbu manga, c'est bon? Super. Bonne réponse. Ensuite, Anna parle de ses mangas. それは私の宝物です。 Ce sont mes trésors. C'est la phrase clé du jour. それ。 Ceci ou cela est un démonstratif indiquant une chose proche de celui qui écoute, dans ce cas Sakura. Wa est le marqueur du sujet. Watashi signifie je, moi. No, une particule de possession indiquant qu'une chose appartient à quelqu'un. Takaramono signifie trésor. Ainsi, watashi no takaramono signifie mes trésors. Des est, comme vous le savez tous, un terme poli utilisé à la fin d'une phrase. Anna poursuit son explication. Watashi wa mainichi manga o yomimasu. Je lis des mangas chaque jour. Watashi signifie je, moi, et wa est le marqueur du sujet. Mainichi signifie chaque jour. Mai signifie chaque et nichi signifie jour. Manga signifie manga, bande dessinée. O est une particule indiquant l'objet d'une action. Yomimasu est un verbe qui signifie « lire ». L'ordre typique des mots en japonais est le sujet, le complément d'objet, puis le verbe. Adrien, pouvez-vous aussi nous expliquer comment dire chaque semaine et chaque mois? D'accord. Une semaine ou des semaines se dit... shu. Donc, chaque semaine se dit... maishu. Un mois ou des mois se dit... tsuki. Alors, Mélanie, pouvez-vous deviner comment on dit chaque mois? Maitsuki. Exactement. Bravo. Exerçons-nous à les dire. Chaque semaine... maishu. Chaque mois. Maitsuki. Nous comprenons maintenant le sens du sketch. Alors, écoutons-le à nouveau. Notre phrase clé du jour est... それは私の宝物です。 Ce sont mes trésors. Passons maintenant à notre rubrique intitulée « Enseignez-nous, professeur ». La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Nous avons appris aujourd'hui le verbe « yomimasu ». Comment peut-on l'utiliser à la forme négative et interrogative? Demandons à notre professeur. Les verbes qui se terminent en « mas » correspondent à ce qu'on appelle la forme en « mas ». On utilise la forme en « mas » lorsque l'on parle poliment. Pour la forme négative, on remplace « mas » par « masen ». Ainsi, « yomimasu ». Lire devient « yomimasen ». Pour la forme interrogative, on ajoute la particule « ka » à la fin d'une phrase et on la prononce en haussant l'intonation. La forme interrogative de « yomimasu », lire, est « yomimasu ka ?» C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Voici maintenant notre rubrique « Les mots descriptifs des sons » qui vous permet de découvrir les onomatopées japonaises, c'est-à-dire des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Selon vous, que signifie ce son? C'est le son d'un livre dont on tourne les pages? Comment le décrit-on en japonais? Para para. Ensuite, selon vous, quel type de comportement le mot qui suit décrit-il? Jikkuri. Il permet d'évaluer si un livre est lourd ou non? Non, il décrit si une personne s'acquitte d'une tâche avec calme et combien de temps elle met pour l'accomplir. On utilise souvent ce mot lorsqu'on lit attentivement ou qu'on réfléchit sérieusement à quelque chose. J'essaierai de lire un livre ou de chercher une solution jikkuri à partir de maintenant. Dans notre rubrique « Mots descriptifs des sons » aujourd'hui, nous vous avons parlé de « para para » et de « jikkuri ». Avant de terminer, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est la section « Les tweets d'Anna ». Sakura-san a peut-être pensé que je ne fais rien d'autre que lire des mangas. Mais pour moi, les mangas sont d'excellents outils pour apprendre le japonais. La leçon 5 vous a plu? La phrase clé du jour était... それは私の宝物です。 Ce sont mes trésors. Nous pouvons dorénavant exprimer à nos amis ce qui est précieux pour nous. Anna et Sakura sont devenues de bonnes amies. La prochaine fois, Anna et Sakura continueront à discuter dans la chambre de dortoir d'Anna. Ne manquez pas notre prochaine leçon.